cas de victoire ou défaite, crie 93. Parce que la police on les baisse, dit 93. C'est pour mes gars en roue arrière, crie 93. Hein 93. Quoi 93. En cas de victoire ou défaite, crie 93. Parce que la police on les baisse, dit 93. C'est pour mes gars en roue arrière, crie 93. Hein 93. Quoi 93. J'vois une mélo dans les octaves que je laisse place à ma peine. Je reçois des instruits à la chaîne, donc je bosse comme un esclave. La violence m'a pris en plein vol. Moi faut que je baisse les hôtesses. C'est pas chaudasse, c'est juste mes chaudesses. Capitale de la délinquance et on assume. Tu sais pas pomper, je trouve ça nul. Même si t'es pompier, on t'allume. On kiffe les ombres de cité, des fois on a peur des représailles. Je veux pas d'un frère intégré, je préfère un casque intégral, you know. Sapé banlieusard, ma pu me porter un treillis. Me dit que le rap c'était mieux avant, je te dis que c'est toi qui as vieilli. Il me faut du beef vite car là je peux plus attendre. La daronne endettée jusqu'au cou et du coup elle cherche à se pendre. Et quand ça commence à se péter, les balles tringueuses s'éloignent. Me dit que les murs ont des oreilles, je te dis que ton Facebook en témoigne. Seven m'a dit que l'état nous baratine. Ah ouais, ben je vais leur dire, y'a pas de prud'homme pour les grossistes qu'on carotte et leur dit. En cas de victoire ou défaite, crie 93. Parce que la police on les baisse, dit 93. C'est pour mes gars en roue arrière, crie 93. Hein 93. Quoi 93. En cas de victoire ou défaite, crie 93. Parce que la police on les baisse, dit 93. C'est pour mes gars en roue arrière, crie 93. Hein 93. Quoi 93. La violence dans tous les sens disperme. Là, il me faut des sous. Dis à la caissière que c'est pas un braquage, mais une thérapie de groupe ou de flouze. Des flingues, des roses, des brancards, des tongards, des corbillards, des corps inertes. Chez dans 9-3, c'est inné. Avec une arme blanche, t'es censé faire du sale. J't'ai dit que t'es pas sadomaso, pourtant ce keuf t'a ragade. C'est de me suriner parce que j'ai surimé. Si la vie c'est un film, je serais pas le black qui crèvera en premier. Paraît que la paix c'est éphémère depuis que la violence s'éternise. Je connais des meufs qui te laissent être pilote seulement si t'as le permis, papy. Tirer sur un keuf pour protéger sa life. Parce que la juge à la barre et te met des peines de fou malade. Des fois la haine t'attend jusqu'à que des balles t'atteignent. Je la comme FA baby ou je la comme Boateng. Punchliner, je transforme ta cabine en avion. J't'ai déjà dit que j'ai mes rivaux, j'ai mes réseaux, j'ai mes raisons. En cas de victoire ou défaite, crie 93. Parce que la police on les baisse, dit 93. C'est pour mes gars en roue arrière, crie 93. Hein 93. Quoi 93. En cas de victoire ou défaite, crie 93. Parce que la police on les baisse, dit 93. C'est pour mes gars en roue arrière, crie 93. Hein 93. Quoi 93. Tu peux rapper, j'écouterai pas tes sons. Avec le seum, c'était un coup de bouteille. Là, c'est un coup de tesson. Des lyrics tranchantes, mon rap à moi fait pas de cinéma. Les petits sont contents, j'ai sorti noise et grande l'anonymat. Pour des histoires de pétasse, même entre amis, on se la met dans le cul. Pour régler nos histoires, hein, y'a 1000 centimètres cubes. Pied droit à la mosquée, le gauche au terre-terre. Demande à bout pour te fumer en solo, on donnerait pas cher. Devant les stars, ma vulgarité veut pas se taire. Mentalité revolver, moi j'écris toujours ce qui me révolte, frère. Y'a plein d'acheteurs, vends-nous ton 4-4K, on s'arrange. On t'arrête quand on parle même pas, pas, pas, on t'arrose. La force du nombre des frères au carp là, des sans IGF. On te laisse pour Talaware ou le Juma, mais on te fumera ce week-end. J'veux des trophées, pas de prix, consolation. FAB partira d'une balle dans le dos d'un tir sans sommation. En cas de victoire ou défaite, crie 93. Parce que la police on les baisse, dit 93. C'est pour mes gars en roue arrière, crie 93. Hein 93. Quoi 93. En cas de victoire ou défaite, crie 93. Parce que la police on les baisse, dit 93. C'est pour mes gars en roue arrière, crie 93. Hein 93. Quoi 93.